Champigny, 9-4, les boulons. Les gens se demandent qui se gala. Glacieux, fait bouger le ciel, la terre et les cieux. Inconnus, sortis du lointain, immensité. Teams débat, voix de miel aux aguets. Pour te faire kiffer ton son, mélodie. De bongo, fais son show, ça te plaît. Te pose pas de questions, personne se plaint. Prends ton pied, grandissime, favori de la presse. C'est nous, Teams, c'est Fiu, toujours classé, constant dans l'effort. Pense que pour l'ambiance, Teams, deux fois t'es ses forces, elle fait. Noblesse oblige, roule en merco, prends du façonnable à gogo. Plus le temps de rigoler, avant de se retrouver, seul pour boire la tasse. Voilà comment ça se passe. Teams, c'est Fiu, c'est Fiu. Teams, esprit rageur, on fait rougir la France et sa blancheur. Les meufs, 9-3, voilà B, 9-4. NCC met tout le monde à quatre pattes. Teams, safe you, safe you. Teams, esprit rageur, on fait rougir la France et sa plancheur. Les meufs, 9-3, voilà B, 9-4. Les all-batch, NCC met tout le monde à quatre pattes. Même seul tout, j'arrive en clic. En équipe et tout, j'cause ma tombe et clic. Mon massacre, ton claque, tes dents, si t'en es cap. Branche les caps, ils se perdent des claques. Tellement que pour nous, ça marche, j'ai des cloques. La vie, c'est cher, j'vais pour ma chérie, on doit te vendre. C'est ça, une soie baiser le mari de ton gendre. J'lâche des petites, mais réveille dur. Quand tu dors, j'me réveille, tu veux. Mon revive, ta soeur en string dehors. Et Dawa, à lui qui veut la coupe. Quoi, fais le bien, même dans le mal, quoi. Fais le bien, du crap, fais le bien. Vas-y, Teams, sors le cric, les clips, les cris, éclipse. Dans la rue, éclame, trop trans, écrit. Ma vie en live, j'dis que le love avec un grand cul gras. C'est cru, quoi. C'était pas que dans les films de cul qu'il a du porno. Dans la c'est pire que le cul, mais ça, on le garde pour nous. Teams, safe you, safe you. Teams, esprit rageur, on fait rougir la France et sa blancheur. Les meufs, 9-3, voilà B, 9-4, New Batch, NCC, met tout le monde à 4 pattes. Teams, safe you, safe you. Teams, esprit rageur, on fait rougir la France et sa blancheur. Les meufs, 9-3, voilà B, 9-4, New Batch, NCC, met tout le monde à 4 pattes. J'arrive en 4-2-4, façon 4-4. J'te garde à côte-côte, j'représente New Batch, j'ai la ST4. On s'occupe de ton cas, en tout cas, gars. Faut pas te sentir bastonné par le clash. J'peux pas finir cloche, j'le dis cache, m'affiché. Dans la rue, dérangé comme des pieds dans des cloches. Penche pas la tête, si t'as pas compris. Ce morceau compromettant, tu laisses réfléchir. Avant d'agir, j'te le jure, jure. La vie de nos jours, il faut être dur pour s'en réjouir. Teams, safe you, safe you. Teams, esprit rageur, on fait rougir la France et sa plancheur. Un 16 mesure, on t'a eu à l'usure. Prenez des couleurs, on termine au fur et à mesure. Teams, safe you, plonge l'hexagone dans la terreur. Maintenant t'es choqué quand on assure. Maintenant t'es choqué quand on assure. Teams, safe you, safe you. Teams, esprit rageur, on fait rougir la France et sa plancheur. Les meufs, 9-3, voilà B, 9-4, New Batch, NCC, met tout le monde à 4 pattes. Teams, safe you, safe you. Teams, esprit rageur, on fait rougir la France et sa plancheur. Les meufs, 9-3, voilà B, 9-4, New Batch, NCC, met tout le monde à 4 pattes.